Parler d'espoir, là c'est mon synonyme de désespoir. Parler de courage, quand autour toi tout se décourage. Parler de vie, quand dans sa chambre tu trouves ton père mort, allongé sur le sol, pensant qu'il vit encore. Parler de pluie, quand au cavern tu trouves un cap sec. Le sol est un peu plus sphère, mon frère sont à sec. Parler de thunes, quand tous sont fauchés, comme Rémi sans famille, avec le RMI en famille. Parler d'activité, de plans, de projets, quand toute la journée, voit ceux qui tiennent les murs de leur quartier. Parler de taf, quand le plus paye, l'argent facile, les jeunes veulent du cash money. Parler de paix, quand t'as ton pays en guerre, de protocole, d'accord, pour ton coup de parole en l'air. Parler de justice, quand au panier de justice, ceux qui jugent, jugent comme sans blâmer la justice. Parler de police, quand tout se crie. Ces hommes qui sont hommes, se voient derrière leur uniforme. Parler de politique, quand les électeurs élisent des menteurs de droit de faute, quand y'a ma couille dans les scrutins. Parler de rien, et se faire passer pour un demeuré. Parler, dire s'agir, parler plutôt que se taire. Parler de calme quand c'est la violence qui parle. Les gens sont dépressifs, ce monde est mal crâne. C'est pour ça que dans nos textes on parle de Jésus. On prêche l'évangile, quoi qu'on dise, c'est la seule issue. Face béni, les rixes sont continues. Depuis le début, l'ennemi devant nous se trouve démuni. Prendre le mal pour en faire quoi? On chope le MIC pour en faire un instrument de paix. Ouais ouais, au service de King, le LV. Tu vois ici les vers qu'on exprime, sort du fond de notre île, plutôt qu'on déprime. On donne ce qu'on a, tu sais. Ici on se bat avec les armes qu'on a. Ici on se bat avec les armes qu'on a. Tu vois ici les vers qu'on exprime, sort du fond de notre île, plutôt qu'on déprime. On donne ce qu'on a, tu sais. Ici on se bat avec les armes qu'on a. Ici on se bat avec les armes qu'on a. Dur de se taire quand les mots te brûlent les lèvres, dur de tendre la joue quand ceux d'en face que tu crées. Dur de s'abstenir quand tu sais quoi répliquer. Dur de garder ses distances quand tu t'es trop impliqué. Dur de faire le vide dans le brouhaha, de faire le point quand c'est même plus où tu vas. Il fut un temps où je volais tellement haut, j'aboutis tellement bas. L'essentiel m'a échappé comme la raison chez un fou s'en va. Il fut un temps où je me droguais, un temps où je m'isolais, un temps où je respectais rien, encore moins l'amitié. Il fut un temps où j'étais perdu, un temps où la voix sèche j'avais perdu de vue. Puis venu le temps où j'étais récupérable, mais sur ce plan Dieu est imparable, implacable, d'aminable il sera un homme capable. Puis venu le temps où j'ai changé, où l'homme d'autrefois est devenu étranger. Je me sers du mal comme un mouchaku, j'atteins ma cible à chaque. Mon flow a plus de face que David Carradine dans Kung Fu. Aïe, je suis au service de King, le LV. Tu vois ici les vers qu'on exprime, sort du fond de notre île, plutôt qu'on déprime. On donne ce qu'on a, tu sais. Ici on se bat avec les armes qu'on a. Ici on se bat avec les armes qu'on a. Tu vois ici les vers qu'on exprime, sort du fond de notre île, plutôt qu'on déprime. On donne ce qu'on a, tu sais. Ici on se bat avec les armes qu'on a. Ici on se bat avec les armes qu'on a.